protéger. J'ai pas su me projeter, tu voulais t'attacher. J'ai fait que te rejeter, j't'ai traité comme une merde. Tes copines m'ont senti, donc elles t'ont fait partir. Mais tu voulais te mentir. J'aimerais que tu m'aimes encore, mais j'crois que ton cœur est mort. Mais le mien est rempli, rempli de remords. Mais là j'veux faire le vide, il faut que j'me confie. En fait j'en ai besoin, je cherche pas le conflit. Tout est de ma faute, c'est moi qui m'amusais. J'savais comment te parler, donc j'ai abusé. J't'ai bien manipulé, toi et tes sentiments. J'te l'ai mis en douceur, j'te l'ai mis gentiment. J't'ai montré tout ce que tu voulais voir. J't'ai dit tout ce que tu voulais entendre. J't'ai fait sentir que j'étais là quand j't'ai laissé goûter au mensonge. On dit que le temps guérit. Donc je sais que tu t'en remettras. T'as compris que tu n'étais qu'une fille de plus. M'en veux pas, t'es plus fort que moi. Que moi. M'en veux pas, t'es plus fort que moi. Que moi. Que moi. C'est plus fort que moi. Tout le monde parle de nous, enfin tout le monde parle de toi. Comme si t'étais une pute, t'as plus confiance en toi. J'avais rien de fidèle, j'tirais les ficelles. J'ai fait le mec présent, quand tu te sentais si seul. J'ai fait le mec attentif, quand tu voulais te confier. J't'ai fait rire quand fallait décoincer. J't'ai laissé prendre ton temps, pour pas que tu te freines. Jusqu'à ce que ça glisse, tout ça pour te ken. Tout est de ma faute, c'est moi qui m'amusais. J'savais comment te parler, donc j'ai abusé. J't'ai bien manipulé, toi et tes sentiments. J'te l'ai mis en douceur, j'te l'ai mis gentiment. J't'ai montré tout ce que tu voulais voir. J't'ai dit tout ce que tu voulais entendre. J't'ai fait sentir que j'étais là quand j't'ai laissé goûter au mensonge. On dit que le temps guérit les blessures. Donc je sais que tu t'en remettras. T'as compris que tu n'étais qu'une fille de plus. M'en veux pas, t'es plus fort que moi. Que moi. Que moi. M'en veux pas, t'es plus fort que moi. Que moi. Que moi. C'est plus fort que moi.